de jardin. Qui est devant ma maison, mais j'ai pas de maison. Je l'ai faite pour toi, toi qui n'existes pas.